إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما سمعتم أيها الأخوة في المقدمة أن الموضوع الذي سنتكلم فيه هو موضوع الساعة كما يقال، وهو حديث لا بد أن نكون فيه أكثر صراحة وأكثر وضوحا، لأن الناس يحتاجون توضيح مثل هذه الأمور، الخوارج بين الأمس واليوم. وقبل أن نعرف خوارج اليوم لابد أن نعود إلى ما مضى من التاريخ، لابد أن نعرف تاريخ الخوارج القديم من أجل أن نربط بين القديم وبين الحديث، وهل بينهما علاقة أم أن خوارج القدامى يختلفون عن الخوارج الجدد. فأقول أولاً، أول بذرة نشأت كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يطلق عليها هذا الاسم، ولم يخرج بفعله، ولم يحصل أي شيء، إنما كانت يعني نواة صغيرة. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، فجاء رجل ناتئ الجبين، يعني الجبهة عنده ناتئة، ثائر الرأس يعني غير نظيف، ثائر الرأس، فقال: يا محمد اعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقال له: اعدل يا محمد. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ أتأمنونني على من في السماء ولا تأمنون على من في الأرض؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، ثم لا يعودون فيه. هذه كانت شبه بداية، فلكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل شيء، ولا في عهد أبو بكر رضي الله عنه ما حصل شيء، إلا من أهل الردة ارتدوا وحصل ما حصل كما لا يخفى عليكم. وثم جاء عهد عمر كذلك، وكانوا يخافون منه، ولا تخفى عليكم قصة صبير ابن عسر المبتدع الذي كان يأتي بشبه، فعلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجيء به. فقام هذا صبير لما دخل على عمر بن الخطاب قال: أنا عبد الله صبير، يعني شاعر بقوة إلى آخره. فقال له عمر رضي الله عنه: وأنا عمر، أنا عبد الله عمر، وقد أعد له عراجين النخل، سعف حق النخل أعد له، نظفها وجهزها. لما دخل صبير هذا مسك عمر وجلده، ضربه حتى سال الدم، ثم عاد وضربه مرة أخرى، فقال: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن يخرج الذي في رأسي فوالله لقد طار جميع ما في رأسي، يعني الشبه والشياطين والبدعة كلها طارت خلاص، بالضرب. ولم يكتفي عمر بهذا الشيء رضي الله عنه، بل نفاه إلى العراق وأمر الناس ألا يكلموه. فكان كلما جلس في مجلس قالوا هذا عزمة أمير المؤمنين قوموا، فأصبح سنة كاملة مهجور ما أحد يتكلم معه، حتى كتب له أمير العراق بأن الرجل هذا صديق تاب وحسنت توبته، فأمر الناس أن يكلموه فكلموه. هذا الأثر فيه فوائد عظيمة. أولا فيه الشدة على المبتدع وعلى أهل البدع كما فعل عمر بن الخطاب، وأنه لا يكون مثل هذا الأمر الضرب والتعزير لا يكون إلا من ولي الأمر. ثم أيضا فيه مسألة النفي، وفيه مسألة الهجر، وفيه مسألة طاعة الناس لولي أمرهم. فكان كلما جلس قالوا هذا عزمة أمير المؤمنين سمعا وطاعة، كانوا يحترمون الخلفاء حقهم. لكن اليوم يختلف الوضع، يطعنون ويقدحون ويتكلمون إلى آخره، بل ويخرجون على ولاة الأمر. لكن لما كانوا يعرفون هذه النصوص وكانوا حديث عهد بالرسول صلى الله عليه وسلم زمن النبوة وزمن الخلافة، كانوا يطبقون هذه السنن وهذه الواجبات. فعمر في المدينة والشعب في العراق كانوا يخافون أو يعني يفعلون هذا الأمر ديانة، فيقولون هذا عزمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما أمرهم بالكلام تكلموا معهم. هذا هو السمع والطاعة لولي الأمر. الشاهد من هذا أن كلما ظهرت بدعة قضى عليها الصحابة في مهلها، حتى جاء عهد عثمان بن عفان، وهنا بدأت القصة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. Notre Cheikh Abdel Hadi, qu'Allah le préserve et le récompense, a donc introduit cette nouvelle assise en disant que nos rencontres avec le Cheikh Fawaz, qu'Allah le préserve et le récompense, se renouvellent cette fois-ci donc avec une assise ayant pour thème les Khawarij entre hier et aujourd'hui. Et également le Cheikh d'annoncer que suite à cela seront distribuées certaines attestations de présence qui seront distribués donc à certains jeunes de différentes villes qui seront sélectionnés parmi ceux qui fournissent des efforts dans la prédication dans leurs villes respectives. Il faut savoir donc que ces attestations de présence sont considérées comme des attestations d'honorabilité. Et puis il a également dit qu'il lui avait été rapporté que certaines femmes avaient été plus ou moins vexées par le fait de ne pas avoir la possibilité de participer et de répondre donc aux questions qui ont pu être posées durant les cours, et il a annoncé que l'occasion leur serait donnée cette fois-ci. Puis le Cheikh Fawaz, Allah le préserve et le récompense, a pris la parole et il a affirmé que les louanges reviennent à Allah, que nous lui adressons les louanges et lui implorons son aide et son pardon et lui demandons protection contre les vices de nos personnes et nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Et j'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah seul et sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant musulman. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur souverain qui vous a créé dans son être et qui a créé à partir de celui-ci son épouse et qui a fait se répandre à partir d'eux beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez pieusement Allah au nom duquel vous vous interpellez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah pieusement et proférez de bonnes paroles. Il réformera votre situation et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque aura obéi à Allah et à son messager aura certes connu la grande réussite. Cela dit, le meilleur des discours, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure des voix, c'est celle de Mohammed, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue. Les pires des choses en religion sont celles qui y sont nouvellement inventées, car toute chose qui y est nouvellement inventée est une innovation, et toute innovation en religion est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Cela dit donc, comme cela a été annoncé, le thème de cette assise est lié à un sujet d'actualité concernant les Khawarij. Et il est important à ce sujet d'être explicite et clair afin que les gens de la masse puissent être au courant et puissent donc être sur leur garde vis-à-vis des dangers de ce groupe des Khawarij. Il faut savoir que pour connaître les Khawarij contemporains, il est opportun de se pencher sur le cas des premiers Khawarij afin de nous rendre compte de la similitude qu'il y a entre les Khawarij contemporains et les premiers Khawarij. Et afin de répondre à la question, existe-t-il un lien entre les premiers Khawarij et les Khawarij contemporains? Il faut savoir que les prémices de la première innovation qui est apparue dans cette communauté sont apparues à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première innovation n'est pas apparue à son époque. Mais ces prémices, dans le sens où, comme l'a dit le shir, c'était un noyau très petit, d'une taille infime, qui est apparu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais rien n'en a, il n'y a eu aucune répercussion à la vie du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, donc, on se rend compte que les prémices de cette innovation sont apparues à son époque, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, à travers un récit qui a été rapporté concernant un homme qui vint, qui avait les pommettes apparentes, les yeux creusés, qui avait un front apparent et le crâne rasé, et qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, crains Allah, ô Muhammad, et sois juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qui donc peut être juste si moi je ne le suis pas? Allah me ferait-il confiance du haut des cieux? Et vous, vous ne me faites pas confiance? Puis, suite à cela, il est rapporté que Omar a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi donc lui trancher la gorge. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-le, car suite à ce personnage, vont surgir des individus, vous allez mépriser votre prière face à la leur, et votre manière de jeûner face à la leur. Ils lisent le Coran sans que ce dernier ne dépassent leur gorge, et ils sortent de la religion comme la flèche sort du gibier pour ne plus jamais y revenir par la suite. Donc c'est en quelque sorte le début de cette idéologie qui est relatée dans ce hadith rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, comme nous l'avons dit, rien ne s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et cela n'a eu aucune répercussion concrète de son vivant, ni à l'époque de Abu Bakr, si ce n'est ce qui a été rapporté concernant les apostats, ni à l'époque de Omar, du fait de sa fermeté, hormis ce qui a pu être rapporté dans le récit de Sabir. Sabir l'innovateur qui posait des questions concernant certains passages coraniques, des questions qui n'étaient pas à leur place et qui laissaient donc apparaître le caractère innovateur du personnage. Sabir s'est un jour présenté à une assise de Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agré, et il était, comme on dit, en confiance et il se sentait fort. Et il est venu, donc il s'est présenté, il a dit, je suis le serviteur d'Allah, Sabir. Et Omar, qu'Allah l'agré, a dit, et moi je suis le serviteur d'Allah, Omar. Et il avait donc apporté de main un régime de date qu'il a à la base présenté donc à Sabir, sauf que lorsque Sabir s'est présenté et s'est approché, Omar, qu'Allah l'agré, s'est mis à le frapper et à le flageller à l'aide de ses régiments de date. Et c'est alors que Sabir s'est adressé à Omar et lui a dit, « Oh, émir des croyants, si ce que tu cherches est de faire sortir de mon esprit ce qui y était, sache qu'il est bel et bien sorti. » Malgré tout, Omar ne s'est pas contenté de cela. Mais il a en plus ordonné que soit exilé Sabir. Et c'est ainsi donc qu'il fut exilé en Irak. Et qu'également, il a été mis en quarantaine pendant un an. Et que lorsque les gens le voyaient passer, ils disaient, l'ordre nous a été donné de la part de Omar de le mettre en quarantaine. Et ce, jusqu'à ce que le dirigeant d'Irak écrive à Omar en lui disant que le personnage s'était bel et bien repenti. On peut retenir comme enseignement important de ce récit plusieurs choses. Premièrement, la dureté vis-à-vis des partisans de l'innovation. Deuxièmement, le fait que l'application des peines légales relève de la responsabilité des dirigeants. Troisièmement, on retrouve le caractère légiféré de mettre certaines personnes en exil. Également, on retrouve la question de la mise en quarantaine. Et on retrouve également l'importance de l'obéissance aux ordres des gouverneurs, des califes, comme on a pu s'en rendre compte ici, lorsque les gens disaient, lorsqu'ils voyaient passer Sabir, l'ordre nous a été donné par Omar de le mettre en quarantaine. Et ils mettaient en application cela, du fait qu'ils avaient connaissance des textes dans lesquels nous trouvons que cela a été rendu obligatoire par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, comme le couvre des loges, et le salut, contrairement à ce que nous pouvons déplorer à notre époque. En effet, bon nombre de gens n'accordent aucune importance à l'écoute et à l'obéissance aux dirigeants musulmans. في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان ثالث الخلفاء الراشدين نبتت نابتة يهودية برئاسة عبد الله بن سبأ اليهودي وكان يدعي الإسلام ولكنه يبطن اليهودية فتبنى فكر الخوارج وقام بإلقاء بعض الشبه بين الناس في الطعن في عثمان بن عفان في الخليفة وهي بلا شك بأنها شبهات ليس لها أساس ولا أصل وغير صحيحة ولكن كما يقال العوام هوام لأنهم عوام ما يفهمون فقام وألقى عليهم هذه الشبه لكن لم يتفاعل معه إلا القليل في المدينة فجاءت له فكرة شيطانية ذهب إلى اليمن وهناك لأنهم بعيدون عن العلماء قام ودع الناس وبين لهم أن الخليفة عثمان فيه كذا وكذا وكذا عدة طعونات حتى أوغر الصدور على من؟ على عثمان فاجتمعوا مجموعة من الناس وقالوا كيف؟ قال لهم تأتون في وقت الحج نلتقي في وقت الحج نخرج على عثمان بنى له هذه القاعدة في اليمن ثم ذهب إلى الشام وفعل نفس الحركة بنى له أيضا هذه القاعدة من الناس ثم ذهب إلى مصر وأسس مثل هذه القاعدة واتفق معهم على أنهم يخرجون في وقت الحج فجاءوا إلى من؟ إلى مكة إلى الحرم في وقت الحج واجتمع بهم ووضعوا الخطة الشيطانية وقاموا وخرجوا على عثمان بن عفان يعني تكلموا في الحج وشوشروا وإلى آخره وقالوا أن عثمان يفعل كذا وكذا العوام تفاعلوا مع عبد الله بن سبأ اليهودي هذا وخرجوا على عثمان وقتلوه وهو يقرأ القرآن هذا باختصار ما حصل قتل عثمان وهو يقرأ القرآن الكريم فتولى بعده الخلافة الحسن بن علي بن أبي طالب مدة تقريبا 6 أشهر بعد ذلك تنازل عنها وأخذها علي بن أبي طالب شاهد أن الخلافة كانت بعد عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب بإجماع المسلمين قاموا الخوارج ولما رأوا هذه الفتنة أرادوا فتنة أخرى قالوا نريد هؤلاء القتلة الذين قتلوا من؟ عثمان بن عفان كيف يقتلون عثمان؟ ويهربون أو ينجون من هذا يعني قاموا مجموعة أخرى فطالبوا من؟ علي بن أبي طالب قالوا له لابد أن تحاكم هؤلاء الذين قتلوا عثمان لا يمكن أن يذهب دمه هدرا فألبوا على علي، وعلي بن أبي طالب ما زال في البداية، والوضع لا يعني لم يستتب إلى الآن، فقاموا وبدأت المشاكل والفتن، والناس انقسموا إلى قسمين. قسم كانوا يعني مع هؤلاء الذين يطالبون بالدم، وقسم ضد هذا الأمر، فحصل الخلاف بينهم ووقعت معركة الجمل وصفين إلى آخره، وحصلت الفتن وانكسر الباب وحصل ما حصل. فكانت هذه بداية إيش القصة أو النوال الخوارج، وتعرفون ما حصل في عهد علي بن أبي طالب ووقوف عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما ناقشهم، وسيأتينا إن شاء الله. نعم، خلافة الحسن بعد علي بن أبي طالب، أسف نعم عكست أنا، يعني عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك حصل في حكم معاوية لما أراد أن يستلم الحكم أخذ الحكم علي الحسن بن علي بن أبي طالب. سلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما بعد. Donc le cheikh continue l'explication, la ressemblance donc, comme il y a dans le titre, la similitude des Khawarij entre hier et aujourd'hui. Après donc cela, il y a eu l'époque de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le troisième calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À son époque, il y a une poussée d'origine juive qui est apparue sous l'autorité du dénommé Abdullah ibn Saba, qui était donc juif. Et de lui est née donc cette idéologie des Khawarij qu'il a mis en œuvre et en pratique. Il a commencé à propager des équivoques sur le compagnon, le troisième calife Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, des paroles qui sont fausses et des ambiguïtés qui sont infondées. Mais pour cela, il faut avoir un public, il faut avoir des gens qui sont réceptifs. Il lui fallait des gens de la masse pour pouvoir avoir un maximum de soldats pour pouvoir effectuer une rébellion contre le compagnon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Car la populace, les gens de la masse, n'ont pas une grande connaissance, une connaissance qui est large, une réflexion qui est poussée. Donc ils sont beaucoup plus à même, il est beaucoup plus facile de les induire en erreur que des gens qui sont instruits et qui connaissent les choses. Donc l'idée diabolique qui lui est venue, c'est de partir au Yémen, loin des gens de science, loin des ulama, des théologiens, et de pouvoir semer cette idéologie et de propager cela et de prendre un maximum de terrain et d'avoir un maximum de soldats avec cette rancœur contre le noble compagnon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc il est parti au Yémen et il a propagé donc cette idéologie, ces ambiguïtés, ces paroles, ces accusations fausses et mensongères sur le compagnon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Il a réussi à induire beaucoup de gens en erreur et à les réunir, et les gens ont commencé à avoir de la rancœur contre Uthman en entendant ces paroles émanant de cette personne Abdullah ibn Saba al-Yahudi alayhi minallahi ma yastahiq. Donc ils se sont réunis et il leur a donné rendez-vous au moment du Hajj, au moment du pèlerinage, car ils lui ont dit: qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut entreprendre. Il leur a donné rendez-vous au moment du Hajj. Donc son plan s'est bien déroulé au Yémen. Il est parti dans les pays du Cham, les pays du Proche-Orient, et il a effectué exactement la même chose. Il est parti fi Misr, en Égypte, et il a effectué exactement la même chose. Et il leur a donné rendez-vous tous à la Mecque, au Haram, pendant la période du Hajj, du pèlerinage. Et de là, ayant réuni une armée d'un certain nombre de personnes considérables, donc il a mis en pratique ce qu'il avait planifié depuis le début, et il a continué à propager donc et provoquer des discordes et propager ses paroles sur Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ayant derrière lui un nombre considérable de gens émanant de la populace al-awam. Donc ce Ces gens-là se sont rebellés contre Uthman, radiallahu anhu, qui était à Médine à ce moment-là, et ils l'ont assassiné alors qu'il était en train de réciter, de lire le Coran. Puis après cela, il y a eu le califat de Ali, radiallahu anhu, puis après cela, il y a eu le califat de Hassan ibn Ali pendant 6 mois. Donc pendant la période, après le décès de Uthman, donc Ali, radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, c'est lui qui est devenu le 4e calife et dirigeant des musulmans. Et la discorde a continué son chemin, la fitna, la tentation, les problèmes, la discorde a continué son chemin, puisque les ambiguïtés ont continué à propos cette fois de Ali, puisque Uthman s'était déjà débarrassé de lui puisqu'il a été assassiné. Donc ils ont demandé, ils ont exigé plutôt que l'on venge Uthman. Ils ont dit à Ali radiallahu anhu, tu dois venger Uthman. Ces gens-là qui ont assassiné Uthman et qui ont disparu, il faut se mettre à leur recherche et les trouver pour venger le compagnon Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Donc de là, ils ont provoqué une autre discorde et ils ont monté donc la populace et le peuple contre Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Alors que Ali, c'était seulement ses débuts. Et de là, les gens se sont divisés en deux parties. Une partie qui concordait avec cette idéologie et une partie qui ne concordait pas. Certains qui étaient d'accord et certains qui n'étaient pas d'accord, ce qui a provoqué une scission. Et il y a eu derrière donc la bataille qu'on a appelée la bataille de Jamal, ainsi que la bataille que l'on appelle la bataille de Siffin. Et les choses, les problèmes ont cessé de prendre de l'ampleur à l'époque de Ali radiallahu anhu suite à cette discorde qui venait d'apparaître. Et comme vous le savez, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma était aux côtés de Ali radiallahu anhu, donc concernant la discussion, le dialogue et le débat qu'il y a eu avec les Khawarij pour tenter de les ramener au texte du Coran et de la Sunna, en tenter de les ramener à la vérité et à la raison. Donc concernant la précision, c'est bien Ali radiallahu anhu qui a eu son califat, puis Al-Hassan pendant 6 mois, puis la période qui a continué du compagnon Muawiyah radiallahu anhu jamais. ثم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج الخوارج عليه لم يقاتله مباشرة وإنما اجتمعوا في مكان خارج المدينة فأرسل إليهم عبد الله بن عباس وكان من العلماء حبر هذه الأمة فابتسل وتطيب ولبس أحسن الثياب وخرج إليهم ولما رأوه طبعا خافوا من هذا العالم لأن العالم هذا يهدم شبههم فخافوا وقالوا أنت صاحب لسان و أهل قريش يعني عندهم فصاحة وعندهم بلاغة وبدأوا إيش يحتجون أو ببعض الشبه وبعض الأمور فبدأ يجيبهم على شبههم ويرد عليهم فرجع ثلثي الجيش يقال أن عدد الجيش 12,000 رجعوا 8,000 وقالوا 6,000 المهم رجعوا يعني أكثر من الثلثين أو الثلثين رجعوا بقي من الثلث هؤلاء صمموا وتمكنت الشبه من قلوبهم فقاموا من الصحابة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتلون مع علي بن أبي طالب وقاتلوهم وقتلوهم وأعملوا فيهم السيف ولم يبقى أحد المهم قضوا عليه هنا هل انتهوا الخوارج هل يعني انتهى أمرهم لا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما خرج عنق قطعه الله حتى عد 20 عنقا حتى عد 20 عنقا يخرجون يعني في كل زمان يعني على أن هذا الأمر لابد أو سيأتي فحصلت كذلك في الدولة العباسية والأموية إلى آخره كثير من هذه الأمور خرجوا على الحكام وقتلوهم إلى آخره حتى حصل في عصرنا هذا ما يسمى بقضية الإرهاب، ما يسمى بقضية الإرهاب. غيروا الاسم وادعوا أو لبسوا لباس الإسلام وقالوا هذا يعني من باب إزالة المنكر ومن باب إقامة الدولة الإسلامية، ومن هذه يعني تلبسوا بلباس الإسلام فخرجوا على الحكام. وقبل خروجهم بالعمل خرجوا بماذا؟ باللسان، فبدأوا يطعنون ويأتون بالشبه، والشبه في هذا الزمن شبه خطيرة وكثيرة وتنتشر بسرعة، وخاصة بالوسائل الحديثة هذه. الآن في التلفزيون شبهة تلقى على الملايين، في التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها شبهة تلقى على الآلاف، مئات الآلاف، ملايين. أصبح الأمر الآن سريع ومتطور، وأصبح التلبيس والشبه يعني تصل إلى الناس يعني في وقت قصير، وأيضا تتراكم الشبه وتأتي بكثرة. لكن زمان ما كان فيه يعني هذه الوسائل، كان يسمعون بعض الشبه ومع ذلك خرج أو خرج بعضهم. لكن اليوم تجد الناس عندهم من الشبه ما الله به عليم، وهذا بسبب الخوارج الذين تبنوا وأوغروا صدور الناس على حكامهم، ففصلوا بين العلماء والحكام وبين المجتمع. بدأوا الطعن في العلماء من أجل أن يسقطوا هؤلاء العلماء، لأن عبد الله بن عباس رجع من الجيش ثلثين، فهم بدأوا بماذا؟ بالعلماء. قالوا هؤلاء علماء سلطة، هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء علماء بلاغ، هؤلاء مدريش. ولكن في الحقيقة هم علماء بلاغ، هم يتمسحون ويلحسون الأحذية كرمكم الله كذبا، وهم يعني يتمنى الواحد أن يصل إلى الحاكم، مع أنهم يطعنون في علماء السلف أنهم كذا بالكذب، ولكن هم بالفعل ذهبوا ووصلوا ويطعنون مع ذلك من أجل أن يبعدوا الشباب عن علمائهم ويربطوهم عن العلماء. خلاص انتهت الثقة الآن، إلا النزل القليل. الآن تجد الشاب الصغير عمره 18 أو 20 أو وكذلك البنات، النساء كذلك الشبه فيهن أكثر، فتجد المرأة عندها فكر خارجي، فكر داعشي، فكر ليس على يعني مذهب السلف، وليس لهم دليل ولا حجة، إنما هي خزعبلات شبه تلقى في هذه النفوس ويربى عليها الشباب. فالشاهد من هذا على أن هذه الشبه تمكنت من الناس، من كثير من الناس. أصبح الآن تجادل الواحد أو تريد أن توضح لهذا الشخص تجد صعوبة في الإقناع، لكن عبد الله بن عباس أقنعهم في جلسة واحدة. أقنع كم؟ ثلثي الجيش. الآن لو عندك جيش أو عندك مجموعة ما تستطيع أن تخرج إلا إن شاء الله، ما تستطيع أن تخرج بواحد أو اثنين، ما نقول ثلث، الثلث كثير الآن، ما تستطيع أن تخرج يعني على الأصابع، ممكن يقتنع بسرعة. فإذا جئت له بالرد على شبهة جاء بشبهة ثانية ثم ثالثة، انتهت الشبهة ما عنده شيء رجع فتح التلفزيون وجد شبهة، جاء غدا شبهة ثانية، وهكذا تتعب منه. ليش؟ لأنه أصبح المصدر مفتوح، مصدر التلقي عند الناس مفتوح، وبالمقابل العلماء سقطوا عندهم في نظرهم، لكن عند طلاب العلم السلفيين الحمد لله لهم مكانة ولهم احترام ولهم تقدير، لكن عند العوام وعند الخوارج سقطوا، ما ينظرون إليه، بل يرونهم أنهم فيهم مجاملة وفيهم كذب فيهم. ولا يخفى عليكم من سب العلماء وطعن فيهم، يعني الشيء الكثير. ثم بعد ذلك لما طعنوا في علمائهم خرجوا على حكامهم، خرجوا على حكامهم وشوهوا سمعة الحكام. والدليل على ذلك ما يسمى الربيع العربي، وسيأتينا. Cheikh a continué en abordant cette fois-ci l'époque de Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agré. Il faut savoir que les Khawarij ont cherché donc à se soulever contre lui, mais il ne les a pas combattus de suite. En effet, étant donné qu'ils s'étaient réunis dans un endroit reculé, Ibn Abbas s'est d'abord présenté à eux afin de débattre avec eux et de les ramener vers la vérité. Il s'est donc préparé en conséquence et il s'est habillé donc de ses meilleurs habits, il s'est parfumé et il s'est présenté à eux. Lorsqu'ils l'ont vu arriver, ils ont été inquiétés et apeurés du fait qu'ils ont vu arriver vers eux donc un savant qui détenait donc le savoir. Ils ont donc eu peur de cela. C'est pour cela que parmi eux, il y en a qui ont commencé à dire qu'il fallait se méfier d'Ibn Abbas, car c'est quelqu'un d'éloquent, et ainsi de suite, donc en essayant d'amoindrir de son mérite et de son importance. Puis donc il a débattu avec eux, et il a répondu à leurs différentes ambiguïtés, et c'est ainsi que les deux tiers de l'armée des Khawarij est revenu vers la vérité. Et donc certains nombres ont été, certains chiffres ont été mentionnés. Ce que l'on retient donc, c'est que les deux tiers de l'armée des Khawarij a délaissé cette idéologie, naam, et qu'ils sont revenus vers la vérité. Et le tiers restant s'est entêté dans le faux. Et suite à cela, les compagnons, avec à leur tête Ali, les ont combattus et les ont exécutés. Il n'est rien resté donc des Khawarij à ce moment-là. Mais est-ce que cela signifie que leur idéologie a pris fin? La réponse est non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait au préalable annoncé qu'à chaque fois qu'ils allaient disparaître, ils allaient par la suite réapparaître sous une autre forme, dans la traduction approximative ici, de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à notre époque, on peut voir que les Khawarij disparaissent tantôt et apparaissent par la suite, jusqu'à notre époque donc, où ils sont apparus, et c'est ce que l'on appelle le terrorisme, l'irhab. Et ils prétendent donc condamner le blâmable et ordonner le convenable. Ils prétendent appeler les gens au bien et blâmer le faux. Mais en vérité, ils ne font qu'appeler à leur idéologie fausse et erronée. Et c'est ainsi qu'en partant de ces prétentions-là, ils en viennent à se soulever contre les dirigeants musulmans. Et ils véhiculent de nombreuses ambiguïtés. Et ces ambiguïtés se véhiculent d'autant plus rapidement qu'à notre époque, il y a les médias et les différents moyens de communication contemporains qui font que les informations se propagent de manière très rapide. Et c'est ainsi que l'on peut constater et déplorer que des idéologies étranges s'ancre dans les esprits du commun des musulmans. Il faut savoir que l'idéologie des Khawarij, elle est basée dans un premier temps sur la critique des ulama, les savants de l'islam, car ils cherchent donc à discréditer ces savants afin de minimiser de leur rang et afin donc de pouvoir prendre le dessus sur les esprits des gens. Et ensuite donc, ils en viennent, après les avoir critiqués, à les taxer de certaines choses dont ils sont innocents. Ils disent à titre d'exemple qu'ils sont les sbires des gouverneurs ou qu'ils sont les savants des règles et des logis, dans le sens où ils ne savent parler que de ça. Tout cela afin de les dénigrer, de les discréditer, afin d'éloigner la jeunesse des savants de l'islam. Et c'est ainsi donc que l'on peut se rendre compte, comme nous l'avons dit au préalable, que l'esprit de bon nombre de gens est rempli d'ambiguïté, étant donné que la plupart des gens de la masse, ainsi que les Khawarij, ne respectent pas les savants, et que les références qu'ils ont sont très nombreuses et variées. Et cela, ajouté à cela, fait que ces gens-là se retrouvent avec un certain nombre d'ambiguïtés qui correspondent donc et qui servent la cause de l'idéologie des Khawarij. يا شباب أنا ما أريد أن يعني أتحدث عن باستفاضة في هذا الموضوع فهو لا يخفى عليكم لكن أوجه نصيحة أخوية وبها نختم هذا الدرس نصيحة. أولا يجب علينا أن نتقي الله عز وجل. تقوى الله عز وجل والله العظيم من أنفع الأسباب التي تنجي الإنسان من الشبه. الآن كما قلت لكم شبه كثيرة حتى عند بعض السلفيين والسلفيات، وعندنا بعض الأمراض الموجودة، إما تميع وإما كذب وإما حسد وإما تعالم. هذه أمور تهلك الإنسان، تهلك طالب. يا أخي العزيز تفكر، اجلس مع نفسك، أنت ستدخل القبر وحدك، والله ما ينفعك فلان ولا علان ولا أحد. لماذا يعني تعاني؟ لماذا تجادل؟ لماذا تثير مشاكل؟ لماذا؟ ما هو الهدف؟ المشكلة عندنا يعني نريد أن نشخص المشكلة. ما هي المشكلة؟ المشكلة أولاً ما عرفنا الهدف الذي خلقنا من أجله. والله لو عرف الواحد منا ما هو الهدف الذي من أجله خلق، والله ستتغير عندنا أمور كثيرة. لكن غلبت علينا الدنيا، تجد هذا يحب التعالم، هذا يحب كذا وكذا، هذا يسبب وينقل النميمة بين الإخوة، وهذا عنده يعني تعصب لبعض الأشخاص، وهذا. والله يا جماعة ما رأينا ذلك من المشايخ، والله ما رأينا ذلك، بل بالعكس، والله من رأى لا كمن سمع. من جلس مع الشيخ أحمد، أنا أحكي لكم بحكم أني مجالسهم أكثر من يعني 25 سنة تقريبا مع الشيخ زيد، و 22 أو 21 سنة مع الشيخ أحمد نجمي. والله يا أخي العزيز ترى العجب العجاب، ترى هؤلاء العلماء بأنهم طلقوا الدنيا، طلقوها، ما عندهم هدف غير رضا الله سبحانه وتعالى. تأتي شبه يوفقون في الرد عليها، تأتي فتن يوفقون في الثبات، تأتي ملهيات ومغريات ما يلتفتون إليها. عنده الشخص هذا هدف يريد أن يصل إلى الجنة، هذه كلها عوائق، وهؤلاء كلهم قطاع طرق لا يوصلونك إلى الجنة. يا أخي العزيز أنت تموت وحدك وتحاسب وحدك، ما ينفعك الشباب، ما ينفعك هؤلاء الناس، والله ما ينفعونك. فأنا أوجه نصيحة أخوية، أننا أولا يجب أن نتأصل في طلب العلم، نتأصل ونتعلم المنهج الصافي النقي. أذكر سئل الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وأنا موجود، جاء شخص شاب عنده شبهة وبدأ يجادل، قال له يا ابني اسمع، يعني بكل بساطة من من من قلبه يتكلم، قال يا ابني اسمع، لو عندك نهر صافي ونهر خمج يعني وسخان وسخ، من أيهما تشرب؟ قال له الطالب أشرب من النهر الصافي، شيء طبيعي. قال له هذا في أمور الدنيا تحرص أن تشرب من الماء الصافي، وفي أمور الدين تذهب إلى الخمج، فين عقله؟ بالعقل هذا يعني شيء واضح، هذا لأنه فضل الدنيا على الدين. لو أنه فضل الدين والله ما تحصل هذه الأمور. يختار ويتقي الله عز وجل ويحرص على السنة، والله سيوفق، أنا أحلف يمين بأنه سيوفق، لأنه طلب هذا الأمر صادق مع الله عز وجل. ما في أيها الأخوة مثل الصدق، صدق مع الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء العلماء رأيناهم عندهم أعمال في السر ليست في الجهر، في السر. يعني من الأشياء التي أعرفها عنهم ما يتركون قيام الليل لا في سفر ولا في حضر. الواحد يصل الساعة 12 والساعة 2 إلا هو يقوم يصلي، مسافر. لكن نحن زين نصلي الفجر، ضعف عندنا، هذه مشكلة، هذه مشكلة. قراءة القرآن صحيح المنهج والسنة لكن قراءة القرآن مع الله عز وجل هذا يرقق القلب، تفهم المعاني، تأخذ الأحكام، تتعظ من الأمثال، من القصص، تأخذ العظة والعبرة. هذه هي الأشياء التي تنجيك بإذن الله. أما التركيز على أشياء معينة وترك الأسس والأصول هذا يسبب عندنا أشياء كثيرة. أنا ما أتكلم عن أهل البدع، أهل البدع معروف ما طلبوا يعني الحق صادقين وما وفقوا إلى هذا الأمر، لكن السلف الذي وفقه الله عز وجل إلى هذا الأمر نقول له اتق الله، احرص على ما ينفعك. والله أنا ما ينفعني فلان ولا فلان، أنا أدخل الجنة واحد أو النار، القبر واحد. ليش؟ ليش؟ يعني من أجل ماذا أضحي بديني؟ من أجل من؟ لابد يا شباب أن نقف مع أنفسنا ونتفكر ونتعظ. الشبه خطافة، يتغير الإنسان بين عشية وضحاها، تجد جماعة من الناس خلاص تعصبوا لهذا الشيخ تغير، يعني شيء طبيعي. والله العظيم يا إخوة، أنا كنا نأتي إلى الشيخ زيد ونقول له فلان تغير أو فلان حصل، مندفعين شباب، قال الشيخ وين يكن، شيء طبيعي، كأنه يصب الماء البارد على رؤوسنا بكل برود، يقول هذا سنة الحياة. ما تعصب الشخص، ما يتعصب. يعني أذكر أحد الطلاب من أحب الطلاب عندي، حصل منه أمر من الأمور خطأ، قال لا قرابة عادي يحصل، ما تعصب الشيخ، بل طرده، نصحه ما انتصح طرده عادي. لكن الآن بعض الشباب يتعصبون، يتعصبون لهذا الشيخ مع أنهم يعرفون أن هؤلاء الذين جرحوا على الحق، ولكن تجد الهوى، الهوى في قلبه، ما هو صادق، عنده بلاء في السر، عنده أمر خطير جدا يعالج الإنسان نفسه، يعالج هذه الشبه. فلا بد لنا من وقفة صادقة، نشخص المرض من أجل أن نحصل على العلاج السليم، وإلا نبقى في هذه الدائرة مع المشاكل، مع الأوضاع هذه، كل يوم يحصل فرقة، كل يوم يحصل طعن بدون سبب، كل يوم يحصل نميمة. ولو حققت أو راجعت أو شيء من هذا تجد أن الوضع مختلف. لا أقول هذا عام، لكن فيه بعض الحالات حتى النساء الآن أصبحت مفتية، تفتي بسرعة، الأمر أصبح بكل سهولة. لكن لو في أمر الدنيا لا، انتظر أسأل وتسأل أو هو يسأل مرتين ثلاث أو أربع يتأكد في أمر الدنيا، لكن أمور الدين ما يحتاج، وجبة سريعة، يفتي مباشرة ويتكلم مباشرة، ما عنده ورع، ما عنده خوف من الله عز وجل. لا يا أخي، والله مسائل كان يعني يتوقف فيها المشايخ، يذهب الشيخ أحمد وهو الشيخ زيد درسه، إذا عرضت عليه مسألة يتوقف فيها وهو ما يعرفها أو متردد فيها، يشغل السيارة ويذهب من بيته إلى بيت الشيخ، أو يتصل عليه التلفون إذا ما رد يذهب إليه، ويجلسون يعني يتشاورون. كذلك الشيخ، هيا بنا إلى الشيخ أحمد عندي مسألة، نروح عنده يتشاورون. يعني المسألة هذا دين مو لعب. أصبح الآن الدين عندنا أو الغالب عندنا يعني فيه ضعف، فيه مرض، فيه خلل، فتحصل مثل هذه الأمور. لكن لو صدقنا مع الله سبحانه وتعالى وكررنا شكرنا لله عز وجل ونحمده دائما على أن وفقنا للسنة، فيجب أن نحافظ على رأس المال، يجب أن نحافظ على رأس المال. والذي عنده شبهة الحمد لله العلماء متوافرون ولا يدع مجال للشبهة، يعني كل شبهة يسمع لها، لا يا أخي، حاول تبتعد واحرص على صلاتك، على دينك، على قراءتك للقرآن، على الذكر، على إلى آخره. هذه الأمور تثبت الإنسان بإذن الله. فأقول أيها الإخوة، يعني ما انتشر الآن وخرج الشباب إلى هؤلاء الدواعش أو الخوارج أو ما إلى ذلك إلا بأسباب كثيرة. أولا، يجب علينا نحن السلفيين أن نقوي أنفسنا ونتقوى بالله عز وجل، ونربط العزم، ونتعاون، ونتكاتف، ونتآخى. إن حصل الخلل نرجع للعلماء، نحاول نعالج قدر المستطاع، ما تعالج نعيد للعلماء، ونشغل بالمهم، نترك هذا الأمر العلماء. ثم إذا انتهينا بدأنا ندعو الناس. الناس يا جماعة يحتاجون إلى دعوة، وهذه والله أمانة في أعناقنا، والله أمانة. لو تكلمنا ليل ونهار والله ما زال الناس في حاجة، ما يعني ما حاجتهم إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الهواء والنفس وإلى الماء والشرب، يحتاجون. وهؤلاء أمانة في أعناقنا. يعني من تريدون الناس يدعونهم؟ الحزبيين؟ أهل البدع يدعون هؤلاء؟ طيب إذا دعوا وتحركوا زعلنا وقلنا والله المستعان الحزبيين متحركين، الحزبيين نشيطين. طيب وأنت أيها السلفي تجد نايم ولا مشغول بدنيا ولا ما يعني ما يؤدي حتى أضعف الإيمان، تجد عنده قصور. أنا ما أتكلم عن كل السلفيين، لا والله، هناك بعض السلفيين الحمد لله لهم جهود تشكر لتذكر، عندهم نشاط، عندهم همة عالية، جزاهم الله خير. يجب أن نعينهم ونقف معهم وندعو لهم بالسداد، ولا نثبطهم ولا نكون نحن حجر عثرة في طريقه. والله قد تتحمل أنت أيها الأخ الذي يحسد هؤلاء، تتحمل الإثم، تبوء، لأنك الآن كما قلت صاد عن سبيل الله طريقة أخرى، طريقة يعني إسلامية، طريقة نقول إيش، طريقة حديثة، يعني أصبحت تصد عن سبيل الله. ليش؟ الله عز وجل خلقك في هذه الدنيا من أجل أن تعبده سبحانه وتعالى، تحصل على الأجور العظيمة، لماذا تحمل نفسك أوزار؟ هل نحن بحاجة إلى أوزار؟ والله كفاية اللي علينا، كفاية، نحتاج إلى حسنات. أما الأوزار نحاول خفف منها قدر المستطاع، هي ما هي رائحة كلها، لكن أقل شيء إننا نخفف. والله عز وجل غفور رحيم. فهؤلاء الذين يذهبون إلى الخوارج وإلى الدواعش يجب أن نحرص عليهم ونشفق عليهم، ندعوهم، نتكلم معهم، نتلطف لهم، نبين لهم. كما أن الله أنعم عليه بالمنهج السلفي كذلك تمنى الخير لهؤلاء، نتمنى والله. صحيح هم أصحاب فكر ضال، لكن هناك في عوام، عوام دخلوا معهم ما يعرفون، غرروا بهم شباب صغار عصاة تائبين، ما بينك وبين الجنة إلا شبر أو ذراع، خلاص حصلت رصاصة تدخل الجنة مباشرة. طبعا اختصار للحياة، المذنب هذا يريد أن إيش؟ يدخل الجنة حريص مسكين، لكن وجد من يكسر فكره. فالشاهد من هذا يجب علينا أن نجتهد أكثر، وأنتم الحمد لله المجال عندكم هنا مفتوح، يعني وإن كان لكن مفتوح يعتبر، ما عندكم حجة في السكوت أو في ترك الساحة لهؤلاء. لا لابد، إن لم تستطع أن تتكلم عندك توزع وتنشر، والوسائل كثيرة متنوعة، ما هو لازم أن تكون خطيب أو لا، الوسائل الحمد لله بقدر المستطاع، بلغوا عني ولو آية، فهم يحتاجون. والنساء كذلك، سمعنا على أن في داعشيات يعني المرأة فيها بيتها، فين تروح تجاهد؟ مع من؟ جهاد إيش؟ ماذا يسمى هذا الجهاد؟ كان الصحابيات إذا ذهبوا مع الصحابة في المعركة كانوا يعالجون الجرحى وإلى آخره، لكن هذه فين تروح تقاتل؟ مع من؟ وماذا تفعل مع الرجال؟ هل زوجها ومحرمها موجود؟ أم هي تسافر وحدها؟ فين؟ فين عقلها مسكينة؟ تحتاج إلى من يفكك هذه الشبه. صحيح يعني نجد عناء وتعب، لكن بإذن الله الأجر أكثر، ونحتسب القابض على دينه كالقابض على الجمر، وأجر الواحد كأجر من؟ 50 من الصحابة، 50. فالأجر الحمد لله مضاعف، بس يجب علينا أن نجتهد بجميع الوسائل، نسحب إخواننا، نشفق عليهم، نعطف عليهم، ندعوهم بالتي هي أحسن. وإن بعض السلفيين، بعض منفرين بالأسلوب السيء والتعامل السيء، هذا ما يصلح، ما يصلح. لابد أن يكون تعاملك لطيف مع الناس، الناس يحتاجون إلى إنسان رحيم، يحتاجون إلى إنسان خلوق مؤدب يرتاحون. لكن واحد يأتي وينفر، وإن منكم منفرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وإن منكم منفرين كما ذكرنا الشيخ عبد الهادي، الرجل الذي بال، الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ الصحابة مساكين ما يعرفون في البداية، يعني زعلوا، ما غير أخذتهم، كيف المسجد يعني تبول فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هداهم، مه، تركوه حتى ينتهي، لأنه إذا قطعوا بوله إيش اللي يحصل؟ لا، هو يتسخ ويوسخ مساحة أكبر في المسجد، وتحصل مفاسد أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب هذه الأمور كلها، قال دعوه حتى ينتهي، حتى ينتهي، بال وانتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله دلوا من ماء، وعالج المسألة بسهولة. فالشاهد، وأيضا الصحابي الآخر الذي قال الذي عطس في الصلاة فقال الحمد لله، فالصحابة ضربوا على بأكفهم على أفخاذهم، ثم لما انتهت الصلاة زجروا وتكلموا. فمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سكتهم وقال للصحابة، يعني هذا جاهل علمه أو معنى الكلام، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصرف فيها شيء من الكلام، إنما هي ذكر وعبادة إلى آخره. فإيش قال؟ وهو عامي، إيش قال؟ قال اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحد، مرة، يعني من كثر الغضب والزعل، اللهم ارحمني ومحمد. هذا هو الرجل، هذا هو الأسلوب الدعوي الصح، أما الباقي يشطب عليه، ولا ترحم معنا أحدا. فقال له لقد حجرت واسعا. فشوف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نقرأ السيرة، نتعامل، ننظر لأخلاق العلماء، لابد أن يعني من أجل أن نتقدم بالدعوة السلفية. صحيح الحمد لله العدد يثلج الصدر، لكن نطمع في الزيادة، لأن الناس يحتاجون، حتى الكفار يحتاجون إلى دعوة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، سواء هداه من الكفر إلى الإسلام، أو من البدعة إلى السنة، أو من المعصية إلى الطاعة، يدخل في هذا الحديث، يدخل الحمد لله، فضل الله عز وجل واسع. والشاهد، يجب علينا أن نجتهد أكثر، نؤصل أنفسنا بالعلم وتقوى الله عز وجل والإخلاص والصدق، هذه كلها أمور مهمة، واتباع السنة. نعم. Donc le cheikh continue en disant, les frères et les sœurs, les jeunes, je ne veux pas m'étaler plus que cela, mais un conseil fraternel pour terminer et conclure, il faut craindre Allah. Il faut craindre Allah, car il n'y a pas de meilleur remède pour se prémunir et se protéger des équivoques, des ambiguïtés, que la crainte d'Allah. Pour les salafis, aussi bien hommes que femmes, car on est atteint par des maladies. Parmi les maladies est tamir, c'est-à-dire le fait de ne pas oser ou vouloir dire la vérité lorsqu'il faut la dire et de faire de la complaisance. Le mensonge, le kadib, le hasad, c'est-à-dire le fait de jalouser ou d'envier autrui. Le ta'alum, c'est-à-dire le fait de s'attribuer ou se considérer comme ayant, avoir un, comme ayant un certain niveau de science et de s'occuper de choses qui sont au-dessus de notre niveau. Et toutes ces choses-là sont des outils qui vont te détruire et te réduire à néant. Donc assis-toi et réfléchis. Dans ta tombe, tu seras seul. Personne ne te sera profitable à propos de quoi que ce soit. Alors pourquoi tu restes têtu? Pourquoi tu débats, tu discutes à tort et à travers, tu disputes sur des choses sur lesquelles la vérité est apparente, mais tu restes entêté? Quel est le but de la création? Si chacun de nous y connaît le but, pourquoi Allah l'a créé? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont être réformées, beaucoup de choses vont changer dans la vie de chacun. Mais ces maladies, comme on a cité Ta'alou, le fait de s'occuper de quelque chose qui est au-dessus de notre niveau, An-Namima, c'est la colportation, le fait de rapporter les paroles à celui-ci et à celui-là d'une manière qui va provoquer la discorde et le problème et la rancœur entre les gens. Ta'assub, le fait de rester entêté sur des idées et des idéologies, tout ceci n'est pas louable. Et nous n'avons pas vu cela de la part des savants. Walaysa marra'a kaman sami'a. C'est-à-dire celui qui a vu de ses propres yeux une chose n'est pas pareil que celui qui a juste entendu la théorie ou a entendu l'histoire. Celui qui a vu et contempler cette chose-là devant lui n'est pas pareil que celui qui a simplement entendu. Et je vous parle en connaissance de cause, car je suis resté en compagnie de Cheikh Ahmed Ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala, entre 21 et 22 ans, et en compagnie de Cheikh Zayd Ibn Muhammad Ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, 25 ans. Et je peux vous dire que c'est très étonnant les différentes choses que vous pouvez voir et auxquelles vous pouvez assister en compagnie de ces personnes. Ce sont des personnes qui ont tout simplement talaq ad-dunya, c'est-à-dire qu'ils ont divorcé avec la vie mondaine. Ils l'ont mis à l'écart, ils se sont séparés d'elle. Car ils n'ont pas d'autre but que de satisfaire Allah. La raison pour laquelle ils vivent, c'est satisfaire Allah. Le but qu'ils souhaitent atteindre, qu'ils veulent atteindre, c'est satisfaire Allah. C'est pour ça qu'Allah raffermit ces gens-là lorsqu'il y a des équivoques, shubah, lorsqu'il y a des discordes, fitan, lorsqu'il y a des choses qui prêtent à confusion, des choses qui peuvent laisser pencher la personne mulhiyat ou mughayyat, c'est-à-dire des choses qui peuvent te distraire ou qui peuvent t'induire en erreur. Toutes ces choses-là, ils les ont rejetées dès leur apparition. Donc, tout ceci sont des obstacles. Tout ceci sont des obstacles qui vont empêcher ton arrivée à destination. Et il y a donc des qatta' turuq, c'est-à-dire des brigands, sur ta route également, que tu dois repousser et que tu dois rejeter. Le but de ces personnes, c'est atteindre et entrer au paradis. Et rappelle-toi bien que tu seras seul à ta mort, que tu seras seul dans ta tombe et que personne ne te sera d'un quelconque profit. Ces personnes ne pourront pas être profitables. Et parmi les conseils importants qu'il faut donner, c'est at-tarsil fi talab al-ilm, c'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle ait une science qui est fondée, qui est construite de par ses racines, al-usul. Il y a une fois un jeune qui s'est présenté, c'est le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala, et qui lui a évoqué une ambiguïté, et qui était relativement redressée à son propos, c'est-à-dire qu'il insistait sur ce sujet-là. Le cheikh lui a parlé avec son cœur en lui disant: Yanni, mon fils, écoute-moi, je vais te donner un exemple pour te rapprocher la compréhension. Si tu as le choix entre une rivière ou un étang qui est propre, qui est naturel, et une rivière ou un étang qui est sale, lequel vas-tu choisir? Donc la personne, de manière naturelle et totalement logique et raisonnable, a choisi la rivière qui est propre. Il lui dit: pourquoi dans la vie mondaine tu choisis de l'eau qui est propre pour ton corps, et dans ta religion tu te permets d'aller t'abreuver ou de te nourrir dans des endroits qui sont sales? Est-ce que tu as plus valorisé la vie mondaine que ta propre religion? Ceci est inacceptable. Donc la personne qui veut être sauvée doit craindre Allah, suivre, se conformer et être véridique et sincère dans ses démarches. Car je jure par Allah que celui qui agit de la sorte sera sauvé et réussira dans ce qu'il entreprend. Et je connais des savants, des actes qui sont cachés, que des personnes ne connaissent pas, car ce ne sont pas des choses qui sont apparentes. Parmi les choses que je peux vous citer, notamment des deux ulama qu'il a cité avant et d'autres, le fait qu'ils ne laissent jamais, rahimahullah ta'ala, la prière nocturne. La prière nocturne, que ce soit en état de résidence ou en état de voyage. Ils sont constants sur cette prière qui est nocturnes, alors que parfois ils arrivaient à destination à des endroits qui sont tard, minuit, et tu le vois à 2h du matin qui se lève et qu'il effectue la prière nocturne. Alors que certains parmi nous, on peut remettre en cause la prière du matin, la prière du Fajr. Il y a également la lecture du Coran, le fait de lire le Coran, car ça a un effet sur l'attendrissement du cœur. Ça a un effet sur l'attendrissement du cœur, le fait de méditer sur cette lecture, les sens de ces versets, les exhortations que ce livre contient, les leçons à tirer de ce qui y est évoqué. Le manhaj, c'est vrai que c'est important. La voie à suivre, la voie à entreprendre, la méthodologie à respecter. Tout ceci est important, nous ne disons pas que ce n'est pas important. Mais il faut également prendre en considération les exhortations tirées des leçons à travers lesquelles tu vas éviter de faire des erreurs, attendrir ton cœur à travers la récitation du Coran, te méditer sur les sens, méditer sur les sens contenus dans le Coran. Car on a tendance à se concentrer, être acquise sur des choses et oublier d'autres choses qui sont également très importantes. On ne parle pas des innovateurs ou des gens qui sont dans l'innovation et par exemple ils ne sont pas véridiques, ils ne sont pas sincères dans ce qu'ils entreprennent. On parle de frères salafis qui s'attribuent à la salafia et qui avilissent ou sous-estiment ou négligent ces points qui sont importants. Donc parmi les conseils, cette chose profitable, le fait de se rappeler que tu rentreras au paradis seul, tu rentreras en enfer seul, tu rentreras dans ta tombe seul, à toi de choisir ta destination et d'œuvrer en conséquence. Pourquoi est-ce que tu peux mettre c'est-à-dire que tu sacrifies ta religion, tu ne lui accordes pas sa juste valeur, mais tu la sacrifies et tu ne lui accordes pas une importance réelle. Et c'est-à-dire que l'innovation, ou plutôt les ambiguïtés, elles peuvent te tirer ou te saisir d'une manière subite. Ta'assob également, il y a cette maladie, le fait d'être entêté sur une personne, entêté sur un enseignant, entêté sur un chef. Et on remarque que ces ulama, les chefs qu'il a, le machaïf qu'il a cité avant, rahimahumullah ta'ala, il dit, des fois il y avait des gens, des jeunes, qui venaient leur parler et leur disaient, telle personne, tel cheikh que l'on connaît, qui est sur la droiture, etc. Il a telle et telle chose, il a dit telle et telle chose, ou il s'est égaré, ou il s'est perdu, etc. Et tu voyais Cheikh Zayd ibn Mohammed ibn Hadi al-Madkhali ou d'autres rester totalement calme, alors que la personne devant lui était affolée complètement. Et le cheikh lui disait, il n'y a rien d'étonnant, ou il n'y a rien d'affolant. C'est comme ça, la sunna d'Allah sur la terre, la volonté d'Allah universelle, qu'il y ait des gens qui sont sur la droiture et qui s'égarent, et le contraire également. Donc, c'est comme si tu versais de l'eau froide pour lui donner à boire. C'était une information qui ne le transformait pas, qui ne le perturbait pas, car ce sont des choses qui arrivent de manière fréquente et régulière. Donc, on ne dit pas que ceci concerne tout le monde, mais il y a des gens, il y a alhamdoulilah des étudiants qui sont sérieux, qui font un bon travail, et d'autres qui ne sont pas sérieux, qui ont du ta'assob, qui sont entêtés sur des personnes, sur des choses, sur des idéologies. On les conseille de manière multiple, à tel point que certains d'entre eux, même les ulama, les ont conseillés sur des choses, leur ont recommandé le fait de s'éloigner de ces caractères têtus, et ils sont même arrivés à exclure des personnes de leurs assises ou autres à cause de leur caractère têtu et borné. Donc, il y a des personnes, parmi nous notamment, qui savent qu'une personne, un prêcheur, a été critiqué de manière réelle, de manière concrète, et qu'il mérite ce qui a été dit à son propos, al-jarh bihaq, mais la passion qu'il a dans son cœur l'empêche d'accepter cette information, l'empêche d'accepter ce verdict et ce jugement, à cause justement de quelque chose qui est caché dans son cœur et qui n'est pas apparent. Donc chacun doit se poser et s'analyser lui-même, faire une autocritique de soi-même, et faire une auto-analyse de soi-même pour voir la maladie elle est où et pour chercher à établir l'antidote, le remède afin de guérir. Et c'est pour ça qu'après derrière ça, il y a la division, il y a les critiques les uns les autres, il y a la colportation des uns envers les autres. Nous ne parlons pas, comme on a dit avant, de tout le monde, mais plusieurs cas ont été recensés à ce propos. On peut même parler des femmes. Les femmes, c'est pareil. Certaines femmes qui établissent des fatwas, des décrets religieux, des jugements religieux, des verdicts religieux. Alors que dans le domaine mondain, elles ont une retenue incroyable. Elles ont une retenue incroyable. Elles disent, il faut attendre, il faut qu'on demande, il faut qu'on interroge, il faut qu'on vérifie, il faut voir, il faut être sûr, etc. Alors que dans la religion, le cheikh il dit, c'est wajba sari'a. Wajba sari'a, c'est fast food. C'est-à-dire, c'est vite cuit, c'est vite mangé et c'est vite digéré. Donc il ne faut pas agir de la sorte. Il y a des sujets sur lesquels même les savants s'arrêtent, stop, et ne se prononcent pas et attendent. Cheikh Zayed, rahimahullah ta'ala, parfois sur des sujets, il s'abstenait de répondre. Et il réfléchissait, il méditait, il allait voir Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, puisque c'est un de ses professeurs. Il partait avec sa voiture, ou il appelait au téléphone, ou il organisait une rencontre, s'asseyait en sa compagnie, il se consultait l'un et l'autre, discutait en profondeur sur des sujets, il ne prenait pas ces sujets-là à la légère. Car ce n'est pas un jeu, la religion n'est pas un jeu. Et nous, nous sommes faibles dans ce domaine. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui ont été relatés et qui ont été soulevés dans ce domaine du fait de la précipitation. Alors que si la personne est véridique, si la personne loue son Seigneur, et si la personne fait des efforts, si la personne préserve ras al mal, c'est ta religion, c'est ton capital que tu possèdes, eh bien, incha'Allah ta'ala, tout ça, ce sont des causes qui vont faire en sorte que ta finalité sera bonne. Sinon, tu vas tomber dans les équivoques. Il y a des jeunes qui s'exposent aux équivoques. Ils s'exposent aux équivoques, ils ne se protègent pas. Alors que tu ne dois pas laisser l'équivoque te parvenir et t'atteindre. Tu ne dois pas t'exposer à l'équivoque, à l'ambiguïté, et après te plaindre. Et tu dois te concentrer sur ces choses-là auxquelles on ne donne pas assez d'importance, telles que la lecture du Coran, le dhikr des vocations d'Allah, etc. C'est pour ça qu'il y a des jeunes qui partent avec la secte des Daesh, avec les Khawarij, et d'autres choses, d'autres pertes, d'autres problèmes qui sont relativement multiples. Donc, entre salafi, entre gens qui se partagent la voie de la sunna, de la rectitude, il faut s'aider, il faut se soutenir, il faut avoir de la fraternité, il faut revenir aux ulama, point important, il faut revenir aux savants sur ces points-là, et ne pas sous-estimer ces choses-là. Les gens ont besoin d'être prêchés, ont besoin d'une da'wah. Beaucoup parmi eux sont des gens de la masse qui ont besoin d'être orientés, besoin d'être éduqués, besoin d'être auxquels ils ont besoin, à propos duquel ils ont besoin d'enseignement. Et même si on parle nuit et jour avec des gens, ils en ont toujours besoin, car ils ont plus besoin de science qu'ils n'ont besoin d'oxygène pour respirer, de manger ou de boire. Vous voulez quoi? Vous voulez que ce sont les sectaires, les gens de l'innovation, les hezbiyyin, qui s'occupent d'eux, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets dans la rue ou tu discutes avec tes amis en disant « Tu as vu qu'est-ce qu'un tel il a dit? Tu as vu qu'est-ce qui s'est passé? Tu as entendu qu'est-ce qu'il a dit telle personne ou telle personne ?» Comme il a dit avant, je ne généralise pas le sujet, mais plusieurs cas ont été recensés à ce propos. Donc il faut être sérieux dans cette da'wah, il ne faut pas la négliger ou la sous-estimer. Il faut s'entraider, s'encourager les uns les autres et ne pas que l'un d'entre nous se transforme en une pierre, un obstacle, un rocher sur la route de son frère. Donc, il faut s'éloigner de tous ces points-là qu'on a cités auparavant, car tu peux être une cause d'éloignement des gens de la voie de rectitude vers une voie d'égarement sans t'en rendre compte, et tu seras jugé à ce propos. Tu dois être donc sérieux dans ton adoration, comme si tu agis comme si tu n'avais pas assez de fardeau. Tu as besoin de hasanat, et tu as besoin de t'alléger au niveau des sayyiat et pas le contraire. Et Allah certes est pardonneur et miséricordieux, mais il faut faire la part des choses. Tu dois avoir de la shafaqa, la compassion pour ces gens-là, les prêcher, ces jeunes-là qui partent avec Daesh, et espérer du bien de ces gens, car beaucoup de parmi ces gens sont des gens qui ont été induits en erreur. Certes, ils sont égarés, ils sont perdus dans leurs croyances, beaucoup de ces gens-là ne savent pas, et ils n'ont trouvé que ça sur leur route, donc ils ont emprunté ce chemin. Beaucoup de gens ont été induits en erreur, donc il faut faire des efforts considérables à ce propos. Et vous n'avez pas d'argument en votre faveur en disant « on ne peut pas parler, on n'a pas le droit de parler, on ne laisse pas parler ». C'est-à-dire qu'on nous oblige à nous taire, etc. Pas ici. Vous avez le champ libre, vous pouvez parler. Et si vous n'êtes pas apte à parler, vous n'avez pas de science, de connaissance, de savoir, vous pouvez propager la vérité par d'autres manières. Par des ouvrages, par des compilations, par des manchurat, des feuillets, etc. Au milieu des gens, il y a plein de moyens que vous pouvez emprunter. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Balliru anni wa law aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'une parole, ne serait-ce qu'un récit. Et pour les femmes, c'est pareil. Des femmes qui partent avec Daesh, qui ont ces croyances, des Khawarij, et qui partent pour le djihad. Certes, les sahabiyats, les compagnons, femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam participaient au djihad, l'ilaj al-jarha, pour remédier ou pour soigner les malades. Mais il y a des femmes qui partent au djihad. Elle n'a pas son mari qui est avec elle, elle voyage sans mahram, etc. Elle est complètement déroutée et complètement irraisonnable à travers ses agissements. Certes, c'est un chemin qui est fatigant, mais il faut fournir ses efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que à la fin des temps, al-qabid ala dinihi kal-qabid ala jamr, celui qui tient, se cramponne à sa religion de manière ferme, c'est comme quelqu'un qui tient dans sa main une braise. Une braise, tu ne peux pas la tenir longtemps. Tu te forces et tu vas l'arracher. Et bien pour tenir ta religion à la fin des temps, à une époque qui va arriver ou qui est déjà arrivée, c'est pareil. Il t'est difficile de te cramponner et de t'attacher à ta religion, mais tu dois patienter malgré que c'est douloureux et difficile. Et également dans le hadith, le fait que la récompense de l'un d'entre eux est l'équivalent à la récompense de 50 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ont besoin d'être prêchés avec douceur. On s'adresse à eux d'une manière honorable et douce. Et certains parmi les salafis sont des gens qui ont une mauvaise manière et qui font fuir les autres. Qui font fuir les autres de par leurs paroles, de par leurs expressions, etc. De par leurs agissements et leurs comportements. Il faut être doux avec les gens, les orienter d'une bonne manière, chercher à les éduquer, à leur apprendre, à leur instruire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa inna minkum munaffirin » à ses compagnons. Il y en a parmi vous qui font fuir les gens, qui font fuir les autres. Et comme le Cheikh Abdel Hadi a cité avant, nous a fait rappeler hadith de l'Arabi, hadith du compagnard, du bédouin, qui a uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons qui au début n'avaient pas beaucoup de connaissances religieuses, et par jalousie envers ou pour la religion, du fait qu'ils n'ont pas accepté ce qu'a commis cette personne, se sont rebellés contre lui et ont voulu le frapper. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Mah », c'est-à-dire « Stop, laissez-le terminer car il est en train d'uriner, car si vous ne le laissez pas terminer, et ni dans le sens, ce qui est sous-entendu, le méfait qu'il y aura derrière sera encore plus grand. » Puis après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa réflexion, il l'a laissé terminer, et il a demandé à ce qu'on verse, à l'endroit où il a uriné, un seau d'eau. Donc il a agi d'une manière sage. Il a remédié au problème sans provoquer un problème qui est plus grand encore. Ou encore le compagnon qui a éternué dans la prière et pendant la prière qui a dit Alhamdulillah et que les compagnons ont frappé sur leur cuisse pour lui faire comprendre qu'il doit se taire. Et il l'aurait réprimandé à ce propos après la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué après la prière que cette prière-là, on ne peut pas y introduire des paroles parmi les paroles des gens. Car à travers la prière on fait ceci et cela. Le hadith qui est connu à tel point que la personne a dit à la fin « Allah, fais-moi miséricorde et à Mohammed » et ne fait miséricorde à personne d'autre que nous deux. C'est-à-dire qu'il a éloigné, il a balayé les autres, car ils se sont comportés mal envers lui. Ils se sont comportés mal envers lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Laqad hajjarta wasi'an » c'est-à-dire quelque chose qui est aussi large que la clémence et la miséricorde d'Allah, tu as voulu vraiment la limiter à seulement deux personnes, moi et toi. Tout ceci donc pour évoluer de la meilleure des manières, ce sont des conseils qui doivent rester en nous et qu'on doit mettre en pratique, car même les kuffars, même les mécréants ont besoin d'être prêchés, appelés à l'islam qui est authentique, car ils ont une image de l'islam qui n'est pas forcément la bonne et la juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لَنِي هَدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حَمْرِ النَّعْمِ c'est-à-dire si Allah guide de par ta cause ne serait-ce qu'une seule personne, ce sera mieux pour toi que les chamelles rouges qui avaient une grande valeur à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là englobe aussi bien quelqu'un qui sort de la mécréance vers la croyance, qui sort de l'innovation vers la sunna, qui sort du péché vers l'obéissance. Tous ces aspects-là sont sous-entendus et compris dans l'explication de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc gardez bien à l'esprit et dans votre cœur ces points-là. Le fait d'apprendre, de comprendre la religion comme il se doit, le fait d'appliquer la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être sincère dans n'importe quelle démarche que tu entreprends et le fait d'être véridique. Et par cela, le cheikh a terminé. A'tadal ala l'itala. Jazakumullah khair. Nakhtem hadhihi al-kalima bi thalath asila lil-nisa kama ittafaqna. Yani al-asila hadhihi muwajjaha lil-nisa. Su'al al-awwal: من هو الشخص الذي ذهب إلى اليمن وإلى الشام وإلى مصر ونشر الفكر الخارجي؟ Donc le cheikh dit qu'on va terminer. Il s'excuse déjà pour avoir été long dans cette intervention. Et il dit donc qu'on va terminer par trois questions posées aux femmes, aux sœurs, Inch'Allah Ta'ala. La première des questions, c'est qui est la personne qui a propagé l'idéologie des Khawarij en partant au Yémen, puis au pays du Proche-Orient, puis en Égypte. Qui est la personne qui a propagé donc cette idée, cette idéologie des Khawarij en partant au Yémen, puis dans les pays du Proche-Orient, puis en Égypte. السؤال الثاني هل للمرأة أن تسافر أو تخرج للجهاد كما يقال للقتال يعني نقول وليس الجهاد لأنه ليس جهاد شرعي هل للمرأة الخروج للقتال مع الرجال والذهاب إلى داعش وما هو الأولى وما هو الواجب عليها مع ذكر الدليل Deuxième question, est-ce qu'il est permis à la femme de sortir pour combattre? Il dit on n'utilise pas le terme djihad, car le djihad est un mot noble qui est utilisé pour le combat qui est légitime. Mais on va utiliser le mot qital. Est-ce que la femme peut participer et sortir au combat avec donc Daesh, etc. et accompagner ces gens-là, oui ou non, en évoquant la preuve à ce propos. En évoquant la preuve à ce propos. السؤال الثالث والأخير ما هو دور المرأة في الدعوة إلى الله عز وجل وكيف تدعو إلى الله عز وجل وكيف تصير داعية إلى الله عز وجل Troisième question Troisième question Quel est le rôle de la femme dans le prêche d'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et comment est-ce qu'elle doit prêcher Et comment est-ce qu'elle deviendra da'iya, une femme qui prêche de manière réelle et conforme? Quel est le rôle de la femme dans le prêche, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion? Comment est-ce qu'elle doit prêcher et appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et comment passer da'iya, comment est-ce qu'elle va devenir une femme qui prêche réellement et conformément à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? يرضى الله شيخنا على هذه الكلمة المنهجية الطيبة الشافية الكافية الشاملة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما نسأل الله جل وعلا أن يجعل لها آذانا صاغية وقلوبا واعية وأن ينفعنا بها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ كما تعودنا عطلة الآن. شيخ عبد الهادي conclut en disant en remerciant le chef Ouaz حفظه الله تعالى pour l'intervention et demandant à Allah qu'il que ses paroles trouvent des cœurs qui méditaient, qui étaient concentrés et qui ont tiré profit et des oreilles qui ont bien entendu et assimilé ses paroles et inshallah ta'ala donc on va faire une pause jusqu'au Maghreb. Inch'Allah Ta'ala, donc le buffet sera ouvert jusqu'à la prière du Maghreb. Directement après la prière du Maghreb, on va entamer les questions-réponses. Et après, par la suite, au comptoir à l'accueil, il y aura les shahadats, donc les documents, les attestations qui vont être délivrées à ceux donc, qui ont rempli les conditions, qui ont fait la demande. Et il y a un frère qui a perdu ses papiers. Permis de conduire, carte grise, pièce d'identité, il s'appelle Guiliani Fabrice Jean-Paul. Guiliani Fabrice Jean-Paul. Donc le frère qui vient devant pour récupérer sa carte grise, ses papiers, etc. Aya Kombo.